c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. J'écoute pas, si c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. Et c'est bien Radio Cayenne, donc on écoute. Et je vais vous parler, pour commencer, un peu de l'actualité par rapport aux luttes des exilés, ou on dirait aux événements qui se passent autour des questions d'exil et de la situation des gens. Voilà, du coup, je vais parler de trucs qui se sont passés principalement au mois de septembre. C'était un mois chargé, il se passait beaucoup de choses. Un peu partout, pas des choses très réjouissantes, un peu comme d'habitude. Moi, je vais me concentrer sur Rennes et Nantes, pour commencer. Et du coup, Rennes, je pense qu'ils ont eu un mois de septembre... Voilà mouvementé, avec vraiment beaucoup de choses qui se sont enchaînées et qui sont pas forcément faciles. Alors, je vous le dis quand même avant de commencer, les infos, je les ai tirées principalement du Facebook du collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes, CSP35. Ils ont aussi un blog ou un site internet. On retrouve le lien sur le Facebook si ça vous intéresse. Du coup, on commence par le 12 septembre. Il y a eu une opération de police au Gailleul. Donc, au Gailleul, en fait, il y avait un campement d'exilés. Et donc, je vous lis un bout du communiqué de presse unitaire qui a suivi l'opération de police sur le bidonville des Gailleuls, donc qu'on retrouve sur le Facebook. Les exilés du campement des Gailleuls ont été réveillés ce matin par un important dispositif policier venu, selon un représentant de la préfecture, pour établir un panorama précis de la situation et ensuite en déduire des hébergements en fonction des situations des gens. Un dispositif totalement disproportionné, avec 12 fourgons de CRS et une dizaine de véhicules de gendarmerie pour un simple recensement des 353 personnes, dont 61 enfants, qui ont établi leur abri de fortune dans deux clairières du parc des Gailleuls depuis le début de l'été. Pendant plus de 2 heures, ce lieu a été encerclé, empêchant les exilés de sortir et tenant à distance les soutiens et empêchant les enfants de se rendre à l'école. Depuis des semaines, nous ne cessons d'alerter les pouvoirs publics sur les conditions de vie indignes dans ce campement. La seule réponse de l'État face à cette urgence humanitaire est un contrôle d'identité qui a conduit à 4 arrestations. C'est une situation sans précédent à Rennes. Plus de 350 personnes, dont une soixantaine d'enfants, et des personnes gravement malades souffrant de lourdes pathologies dans un campement, c'est du jamais vu. C'est de la non-assistance à personne en danger. Donc voilà... Ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé et ce qui peut se passer aussi à Nantes avec aussi des campements d'exilés. Mais c'est vrai qu'à Rennes, c'était pas quelque chose qui existait auparavant. Et voilà, c'est que depuis cet été, en fait, qu'il y a des campements comme ça de fortune en plein air. Donc là, ils se sont installés dans un des plus grands parcs en fait, de Rennes, peut-être le plus grand même. Et voilà. Et c'est quasiment 400 personnes. Et donc, du coup, là, ils expliquent le 12 septembre, grosse opération de contrôle de la part de la police. Et du coup, voilà, c'est vraiment des contrôles d'identité avec la PAF qui est là aussi et qui arrête 4 personnes. Voilà, 4 personnes qui n'ont pas leurs papiers ou qui ont des OQTF, je ne sais pas, se retrouvent du coup arrêtées et placées en centre de rétention très probablement, quoi. Donc ça, c'est pareil. À Nantes, on a vu des campements aussi et on n'a jamais vu des grosses opérations de contrôle d'identité avec des arrestations. On a vu des démantèlements, des expulsions, mais on n'avait jamais vu des opérations qui viennent... de flics qui viennent exprès en fait pour contrôler et arrêter les gens. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus le cas dans plusieurs villes. Voilà, en dehors de toute opération d'expulsion, ils viennent harceler les gens, faire du recensement, faire du contrôle pour notamment en vrai rafler les gens qui sont pas en situation régulière. Voilà, donc ça c'était le 12 septembre. Donc quelques jours après, le 14 septembre, il y a évidemment une manifestation qui s'organise en soutien, en réaction à ce qui s'est passé le 12. Le 19, il y a un parloir sauvage au centre de rétention administrative de Rennes. Bon, peut-être suite aux arrestations, mais aussi parce qu'à Rennes, il faut savoir qu'il y a des parloirs sauvages autour du centre de rétention tous les mois, une fois par mois. Voilà. Ensuite, le 25 septembre, il y a un rassemblement devant la préfecture pour exiger la démission de la préfète et puis pour alerter sur... la situation dans le camp des Gailleuls, exiger le relogement des gens. Et il y a aussi une manif le 28 septembre. Donc voilà, les gens à Rennes, là, ils sont hyper motivés sur les questions de logement, notamment avec ce campement, mais pas seulement aussi, quoi. Vraiment, il y a apparemment un vrai mouvement qui se crée. En tout cas, voilà, avec une régularité des manifs quasiment tous les samedis sur les questions du logement, quoi, à Rennes, et qui se mêle souvent avec les questions de soutien aux exilés. Donc, je pense que c'est à suivre dans les prochaines semaines, si vous êtes motivé, si vous avez l'envie d'aller faire des rassemblements et des luttes autour du logement et du soutien aux exilés à Rennes. Ça se bouge grave, et je pense qu'ils seront très contents d'avoir du soutien. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé entre le 12 et le 28 septembre. Et le 29 septembre, bim, nouvelle actu, on pourrait dire. Il y a une tentative d'occupation d'un gymnase. Du coup, bah, comme la situation au camp des Gailleuls n'avance pas, enfin on va dire, voilà, la préfète répond pas, enfin... En tout cas, rien ne change. Du coup, il y a des gens qui ouvrent un gymnase, enfin, qui tentent en tout cas d'occuper un gymnase, donc un gymnase normal, quoi, pas un gymnase désaffecté comme à Nantes, hein, voilà. Un gymnase qui d'habitude sert à faire du sport, et donc ils l'occupent, et ils disent, bah, nous, on partira pas tout pendant qu'il n'y aura pas des solutions de relogement. Et donc, ils occupent ce gymnase dans l'après-midi, le 29 dans l'après-midi. Le lendemain matin, donc le 30 au matin, bim, ils se font évacuer par les flics, plus la PAF. Là encore, la PAF est là, contrôle, etc. Donc voilà, ça n'a pas tenu 24 heures. La tentative d'occupation a très vite été démantelée, quoi, on va dire. Et donc, bah, pareil, suite à ça, les soutiens occupent la DDCSPP. Alors, la DDCSPP, je vais vous retrouver ce que c'est. Je vous lis l'article de Ouest France, ça sera plus simple. Donc, une quinzaine de membres du collectif de soutien aux personnes sans papiers ont investi le 2 octobre le hall d'un bâtiment des services de la préfecture. Ils ont été évacués dans le calme par la police. Une semaine après s'être mobilisés devant la préfecture, des membres du collectif de soutien aux personnes sans papiers ont investi les locaux de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Rennes. À nouveau, ils ont demandé aux services de l'État de mettre à l'abri les personnes en situation d'urgence qui vivent dans des conditions très difficiles sur le campement des Gailleuls dans le nord de Rennes. La DDCSPP, c'est un lieu symbolique de l'État, car c'est ici que sont appliquées des répartitions budgétaires pour l'hébergement d'urgence, explique Xavier, membre du collectif. En clair, ce sont eux qui décident où va l'argent destiné à l'hébergement des personnes à la rue. Voilà, je vous lis pas le reste, voilà, de l'article, vous pourrez toujours aller sur Ouest France si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos. Donc voilà, le 2, le collectif, bim, occupe la DDCSPP à la préfecture pendant plusieurs heures. Ensuite, le 4 octobre, la préfète demande l'évacuation du camp des Gailleuls. Donc elle fait un recours en justice, etc. pour demander donc l'évacuation du campement. Donc le campement passe au tribunal administratif, etc. Enfin voilà. Et du coup, là, je ne sais plus trop où ça en est, mais je crois que ça a été plus ou moins déclaré expulsable. Enfin, c'est pareil, si vous voulez des infos, je vous invite à aller sur le Facebook du collectif de soutien 35. Voilà, et donc le 4, il y a ça. Donc, mauvaise nouvelle qui arrive, bim, la préfète prévoit d'évacuer le camp des Gailleuls. Et en même temps, branle-bas de combat, alerte dans tous les collectifs de soutien aux sans-papiers, aux exilés, etc. Parce que un peu partout dans le Grand Ouest, et ben finalement, il y a des rafles, on va dire, des rafles, en tout cas, des arrestations de familles géorgiennes qui, du coup, ben, sont pas en situation régulière. Et du coup, et ben, en fait, au final, il y a 33 ressortissants géorgiens, femmes, hommes, enfants, dont certains sont malades, qui sont renvoyés dans leur pays par un vol Frontex. Et ça, c'est un peu une grande... Enfin, je sais pas si c'est une grande première, mais un peu quand même. Je vous lis un petit bout, en fait. Je vous lis des petits bouts d'articles que j'ai trouvés. Enfin, il y a un article très détaillé sur Mediapart, si vous voulez, sur cette journée où il y a eu, du coup, ben, un vol Frontex organisé pour expulser 33 géorgiens-géorgiennes. Donc les militants des gens sont venus protester à l'aéroport et ils n'ont rien pu faire d'autre que d'assister en direct au fonctionnement d'une machine à expulser bien huilée. C'est un effet concret de la nouvelle loi Asile-Immigration 2018 de Macron. Et dire qu'il en prépare encore une autre. l'opération apparaît de plus en plus organisée, géante, rationnelle. Donc en fait, c'est des gens qui ont été raflés dans tout le Grand Ouest. Quimper, Vannes, Redon, Lheureux, Montfort, Rennes, Passé. Voilà, c'était toutes les villes en fait où ils sont allés chercher les gens. Ils sont allés les chercher à leur domicile ou dans leur dispositif d'hébergement, quoi, là où ils étaient hébergés en centre, etc. Voilà, ils sont allés les chercher comme ça. Enfin, voilà, il y a des témoignages qui disent que certaines familles avaient 10 cartes de CRS pour venir les chercher. Il y avait, ouais, je vous lis, donc il y a une femme qui se serait ouvert les veines pour résister. Une autre famille présente depuis 10 ans avec un enfant lourdement handicapé a aussi été arrêtée dans son dispositif d'urgence, là, à Rennes, dans son hébergement d'urgence. Là encore, le père se serait ouvert les veines pour résister. Et du coup, c'est deux personnes qui se sont ouvert les veines. Donc, c'est terrible. Hein, mais en vrai, c'est les deux seules personnes qui n'ont pas été expulsées. Ça a marché, en fait, de faire ça. C'est horrible à dire, mais en vrai, elles ont été hospitalisées, forcément. Et du coup, elles ont échappé à l'expulsion. Et donc, selon le Télégramme aussi, ce premier avion affrété par Frontex est une première en Bretagne. Donc, c'est un officier de police qui explique ça. Et il ne sera pas le seul. Trois autres avions sont prévus en octobre depuis Lille pour renvoyer dans les pays de l'Est. Donc des migrants installés en Bretagne devraient y prendre place. On sent une certaine pression. Il est clair que l'État souhaite envoyer un message politique fort. Donc voilà, c'est des nouvelles joyeuses encore. Et donc ça a été, éprouvant à Rennes, je pense, ce mois de septembre pour les gens qui sont dans le collectif de soutien et puis bah, surtout pour les personnes concernées qui sont au campement des Gailleuls ou ceux qui ont été expulsés ou connaissaient les gens qui se sont fait expulser, quoi. Et surtout, ce que j'ai l'impression aussi des témoignages qui ressort, c'est un truc de... Non seulement c'est la panique, les gens sont outrés de ce qui se passe et en même temps se sentent hyper impuissants, quoi. C'est la machine, elle est... La machine répressive, là, elle est... Ouais, c'est ça, elle est bien huilée. Puis le dispositif, il est énorme, quoi. Il est énorme, quoi. Tout est hyper organisé. Ils arrêtent les gens en même temps. Tac, ils affrètent des avions entiers. Il y a des flics partout, y compris à l'aéroport. Ils anticipent le fait qu'on peut venir se rassembler à l'aéroport. Sur les trucs de campement, ils laissent à peine les gens s'installer en campement. Bim, ils essayent de les faire évacuer très rapidement. Ils empêchent toute ouverture. Dès qu'il y a une ouverture, bim, voilà. Et bon, on sent que c'est tendu, quoi. On sent que c'est tendu. Je vous passe juste une petite musique et après on parle de ce qui s'est passé à Nantes. Je pense que vous avez tous appris la mort de Oumar et du coup on en reparle tout de suite après une petite musique de Tikenja Fakoli, Ouvrez les frontières, et je vous retrouve tout de suite. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Ni goutte de pluie, tout au fond du puits. Quand le vent très vite, sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Nanana. Sable doré, mille animaux en cage, et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage.